Bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 20 juillet 2016 de Mélomanes. Et oui, le mois passe vite, j'espère que vous en profitez du mieux que vous pouvez. Allez vous baigner, prenez du soleil en masse et en revenant le mercredi soir, prenez une bonne dose de musique avec Mélomanes. D'ailleurs, beaucoup de plaisir la semaine passée, un beau varié, ma foi, très apprécié. Gros merci pour vos bons commentaires. En passant, on est toujours preneurs. Donc, j'espère que vous n'avez pas manqué ça. On peut avoir des belles surprises des fois dans un varié, mais bon, c'est pas grave, il y a toujours moyen d'aller sur Facebook, sur le groupe Mélomanes ou la page Mélomanes Radio pour plus jamais rien manquer. Mais bref, cette semaine, attention, un programme assez particulier. Il faut définitivement être ouvert d'esprit et avoir envie de découvrir toutes sortes de styles parce que j'ai le plaisir de vous présenter le cinquième volume de ce qu'on appelle ici un radio pirate. Donc, un programme qui, pour mériter son titre, est un peu plus éclaté, un peu plus abrasif par moment, parce que oui, ce soir, je vous dis, on est dans un vrai de vrai radio pirate, mais un vrai de vrai bon aussi. Donc, on attache notre sucre avec la proverbiale broche et on commence tout de suite. Radio Pirate 5 avec Joy Division, 99 CFNJ.

Et je découvre à chaque jour que ton amour est sans détour, un trésor rempli de lumière, solitaire. Et les étoiles et le matin et le mirage d'être bien et la mélodie du bonheur. Et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. CFNJ 89.1 Et oui, donc, pour les courageux qui sont encore là, c'est très éclaté. Il faut être méloman fort, fort, fort ce soir. Mais c'est important dans un radio pirate de rester là quand il y a une chanson que vous aimez moins, parce qu'on sait jamais, la prochaine, ça pourrait être votre découverte de l'année. Qui sait? Et justement, qu'est-ce qu'on vient d'entendre en cette cinquième édition de Radio Pirate Méloman? Eh bien, il y a Mara Tremblay qu'on vient d'entendre avec un extrait de son excellent album « Tu m'intimides » de 2009, soit le single « Le printemps des amants », qui suivait Lou Reed au sein du Velvet Underground 40 ans plus tôt, donc en 69, avec Pale Blue Eyes. Et juste avant ça, ben on se mentira pas, c'est peut-être là qu'on en a perdu une coupe. On a entendu une pièce d'un compositeur de musique classique, toujours vivant d'ailleurs, en fait, qui donnait dans le courant du minimalisme des années 70 et qui se nomme Philip Glass. Ça a l'air pointu comme ça, mais c'est quand même un monsieur assez connu du grand public, en partie grâce à des albums accessibles qu'il a fait, dans, si on peut dire accessibles, dans les années 80. Et c'est d'ailleurs un extrait de ces albums-là qu'on a entendu, Flow, du fameux Glassworks de 1982. Mais on va y revenir à M. Glass au fil de la soirée. Et sinon, deux merveilleuses pièces en leur genre, Jello and Juggernauts du Unknown Mortal Orchestra, un excellent groupe indie que je vous encourage à découvrir. Assez original et assez récent aussi, la pièce qu'on a entendue qui nous venait de leur premier album éponyme de 2011. Et le tout amorcé par ceux qui ont parti le bal de la musique post-punk, qui va tranquillement devenir ce qu'on va appeler l'alternatif et l'indie rock. J'ai nommé Joy Division, formé comme plusieurs à un certain show légendaire des Sex Pistols, comme quoi le punk a donné naissance à beaucoup plus qu'à la seule musique punk. En fait, c'est plus l'esthétique « do it yourself », DIY, donc « fais-le toi-même » qui va frapper l'imaginaire collectif, va faire en sorte que plein de groupes se forment à suite à ce fameux spectacle des Sex Pistols. Joy Division, groupe duquel va naître New Order, bien sûr. Bref, donc, Joy Division avec Disorder, toute première pièce de leur tout premier album en 79, Unknown Pleasures. Mais là, on s'en va complètement ailleurs avec une magnifique chanson que j'aurais bien aimé composer moi-même, comme plusieurs, mais quand même une pièce très spéciale. On écoute Alexander, 89.1 CFNJ. Et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. Thank you.

voilà, il serait à l'heure. Oh, je l'attends encore. Ça fait 15 cafés, il est 3 heures. Si qui se lève tard. Si qui se lève tard. Et 88.9 CFNJ. Thank you. I see you're frowning, it's like looking down the barrel of a gun, and it goes off. Now come all these words, oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer, it's one that laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. It was up, up and away, oh, but it's right hard to remember that. On a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Well, now then, Marty Bum, oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you've turned over there and pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear, can't we? Laugh and joke around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away, oh, but it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Yeah, I'm sorry I was late. Well, I missed the train and then the traffic was a state, but I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Oh, when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. To get things off the ground, and it was up, up and away, but still it's right hard to remember that on a day like today when you're all argumentative, you've got the face on. Oh my God, Becky, look at her butt, it is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. Who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross. Look. She's just so black. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, 'cause you notice that butt was stuffed deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get whipped up and take your picture. My homeboy tried to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rump of smooth skin. You say you wanna get in my bins? Well, use me, 'cause you ain't that average groupie. I seen her dancing to hell with romance, and she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines saying flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So fellas, yeah, fellas, yeah, has your girlfriend got the butt? Hell tell yeah, her shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got ballet face in the open room. Round and big, and when I'm throwing a gig, I just can't help myself. I'm acting like an animal. Now here's my scandal. I wanna get you home and double up. I ain't talking about Playboy, 'cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix a lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos, not knee bimbos walking like hoes. You can have them bimbos, I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Torn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, 'cause them punks like to hit and quit it. And I'd rather stay and play, 'cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, yeah, ladies, yeah, if you wanna roll my Mercedes, yeah, turn around, stick it out. Even white boys got the shout, baby got back. baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36. Only if she's 5'3". So your girlfriend rolls a Honda, playing workout tapes by Fonda. But Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. My Anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit-ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it, and I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that, 'cause your waist is small and your curves are kicking, and I'm thinking about sticking to the beanpole dames in the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss, 'cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him, and I pull up quick to get with him. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, mix a lot and kick them nasty thoughts. Baby got back. Baby got back. Little in the middle, but you got much back. Little in the middle, but you got much back. CFNG. Try Et les Pixies, toujours en plein Radio Pirate Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Et oui, les Pixies, un groupe très important de l'alternative de la fin 80, début 90. En fait, c'est pas mal eux qui sont en grande partie responsables du son des années 90. Pas seulement eux, mais un gros morceau. Et donc, on a entendu « Hey » tout simplement de l'album « Doolittle » de 89, qui suivait en 92 « Sir Mix-a-Lot » avec « Baby Got Back », l'hommage des hommages aux grosses fesses. Une chanson qui, en passant, est pas de MC Hammer, une erreur qu'on voit souvent sur le net. Je tenais à rectifier la chose. Un peu plus récent, on a entendu aussi les Anglais d'Arctic Monkeys avec Marty Bomb. Donc, Bomb, encore, on parle de fesses. Ma foi, ce soir, qui nous vient d'un album de 2006 qui avait vendu, imaginez, 360 000 copies la première semaine de sa sortie en Angleterre. Donc, c'est pas rien. Sinon, toujours en Angleterre, mais quelques 25 ans plus tôt, 26 en fait pour être plus précis, soit The Cure avec le gros classique du genre A Forest de l'excellent album 17 Seconds de 1980. Premier tome de ce qu'on pourrait considérer une trilogie avec les albums Faith et Pornography, des albums très importants dans le monde du early goth rock, qu'on pourrait dire. Et avant tout ça, pourquoi pas ce cher Mac Derry avec Hostie qui se lève tard de 2003 et Alex Ebert du groupe Edward Sharp and the Magnetic Zeros, mais qu'on a entendu en version solo sous le nom d'Alexander avec une chanson magnifique du nom de Truth. On était en 2011. Et là, attention aux oreilles sensibles, le prochain bloc va justifier l'appellation de Radio Pirate, mais attention aussi, alerte aux classiques tout de même. Un bloc extrêmement varié, qui commence à l'instant avec take that. Le Big Papa, 99.1 CFNJ. Twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Pink Gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if they head right. Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk goes through us. Girls walk to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch. Stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Uh-huh. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Keep my peace. Cubans with the Jesus peace. With my peace. Packing, asking who want it. You got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. I put O's and NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now he's the real dookie, meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks, Frank White push the stick. Called the Lexus LX, 4.5. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast sweet first, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay filthy. Richer than richer, so you niggas come and get. Come on. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. I can fill you with real millionaire shit. Escargot, my cargo, 160, swiftly.

de la mythologie. Y'a un magazine d'éco piscine où je dessine au stylo B les jolies filles en mélusine. Parfois je descends parmi les humains, je marche dans la nuit en cherchant le visage d'un ami. Sud de la Naudière, pour les prochaines heures, c'est dégagé un minimum de 12 degrés. Ensoleillé jeudi, maximum 29. Et nuageux, quelques averses vendredi, maximum de 26. Les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, ennuagement pour les prochaines heures. Averses qui débutent au cours de la soirée, un minimum de 19. Vendredi, des nuages, quelques averses, maximum de 25. Mais entre-temps, on profitera d'une belle journée ensoleillée pour jeudi, maximum de 28. CFNJ. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et c'est ça, Radio Pirate Mélomane, 5e édition. D'ailleurs, ce soir, on vient de passer à travers un bloc qui, mine de rien, nous a fait entendre du heavy metal, de l'indie folk, du punk et du rap, en plein la définition d'un radio pirate. Toujours des classiques, mais disons un peu plus champ gauche. Nul autre qu'Iron Maiden, qu'on vient d'entendre, mais Maiden au tout début de leur carrière, en 1980 pile. Tout premier album éponyme avec Phantom of the Opera, donc le fantôme de l'opéra, avec le premier chanteur de Maiden, Paul Di'Anno, un peu moins connu, disons, que Bruce Dickinson, qui 2 ans plus tard va devenir le chanteur officiel. Et c'était précédé complètement ailleurs par un groupe classique du mouvement indie folk lo-fi des années 90. Un temps, une esthétique où on fait tout nous-mêmes. On peut faire un lien direct avec le « do it yourself » du punk dont on parlait tantôt. On fait tout nous-mêmes. Soit le groupe Neutral Milk Hotel avec « In the Aeroplane Over the Sea » de l'album du même nom de 98. Un album que je vous conseille fortement d'ailleurs. Et on pourrait dire toujours dans le folk indépendant, mais plus récent et au Québec, de surcroît avec Philippe B., un gars qu'il faut absolument découvrir si ce n'est pas déjà fait, avec son Ornithologie la nuit 2 de l'album, justement, Ornithologie la nuit de 2014, son plus récent en fait. Un gars qui nous a fait connaître Pierre Lapointe, entre autres. Et sinon, ben oui, du punk classique Angleterre 1977, UK 77, avec les excellents Vibrators. Et oui, j'ai bien dit Vibrators, avec la chanson Stiff Little Fingers, qui d'ailleurs va donner son nom à un autre groupe de punk d'Irlande du Nord, pas très longtemps après. Excellent groupe aussi. Et tout ça amorcé par Christopher Wallace, alias Biggie Smalls, alias le Notorious B.I.G., un prodige de l'écriture et de la performance, une légende malheureusement décédée très jeune, assassiné au très très jeune âge de 24 ans, un gars qui aurait facilement pu devenir écrivain, de qui on a entendu Hypnotize en 97, et c'est ce qui nous mène, sans aucune raison valable, à écouter un gars qui s'appelle, lui, Badly Drawn Boy, 99 ans, CFNJ. Oh,

miss you so hard. Miss you so hard. Now miss come back, baby, and don't break my heart. Now I'm alone, lying down, looking up at the stars. Reliving the times we shared when the moon, the stars, and the music was up. Been way too long, been way too long, baby. Way too long, been way too long, baby. Way too long, I can't wait too long, baby. Be frank, be frank, be frank, be frank.

l'incomparable Ventures en ce Mélomane Radio Pirate 5e du nom au 99.1 et 88.9 CFNJ FM. Vous le savez, on a un petit fétiche pour les Ventures à Mélomane qu'on vient d'entendre avec Cruncher de 1963. Solo de batterie gracieuseté de Mel Taylor qui suivait de façon tout à fait improbable la Canadienne Peaches avec Fuck the Pain Away de 2000 qui suivait à son tour un autre bijou du compositeur classique contemporain dont on a parlé tantôt et à qui on fait un petit clin d'œil hommage ce soir, soit le grand Philip Glass, roi du minimalisme, école de pensée et de la musique classique des années 70, qui va aussi comprendre des noms importants là, comme Steve Reich, mais aussi Terry Riley, Lamonté Young ou même John Adams. Tous des compositeurs qui gagnent à être connus vraiment, comme M. Glass, donc, qu'on a entendu en 76, justement, avec Knee Five, un extrait d'un opéra révolutionnaire de 5 heures, imaginez, du nom d'Einstein on the Beach. Comme quoi, il faut vraiment être préparé à tout dans un radio pirate, et en plus, c'est instructif. Et sinon, je ne sais pas si vous avez, vous vous rappelez, pardon, qu'on ait parlé de Brian Wilson à l'émission, le compositeur de génie des Beach Boys, à la santé mentale précaire, malheureusement, qui va créer des chefs-d'œuvre. Eh bien, on en a entendu un assez rare, Can't Wait Too Long de 1967, une chanson plus ou moins finie, mais qui nous donne une idée des variations infinies à la Brian Wilson. Et en début de bloc, Tone Loc en 89 avec son Funky Cold Medina, qui suivait une chanson qui nous vient d'un film, About a Boy de 2002, avec Hugh Grant, entre autres, mais la chanson, elle, qui s'appelle Silent Sigh, composition de Badly Drawn Boy. Et nous, comme d'habitude, programme chargé, on écoute un band que, personnellement, j'aimais un peu mieux à leur début. On écoute Coldplay, 99.1 CFNJ. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Sharpen them with lies. river's going down. We'll follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke. Drag your blanket blindly. Fill your heart with smoke. And the first thing that you want will be the last thing you ever need. That's how you fight it. Et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Yeah.

dommage que tu sois pris. J'embrasse mieux que je parle. Sud de la Naudière, pour les prochaines heures, c'est dégagé un minimum de 12 degrés. Ensoleillé jeudi, maximum 29. Et nuageux, quelques averses vendredi, maximum de 26. Les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, ennuagement pour les prochaines heures. Averses qui débutent au cours de la soirée, un minimum de 19. Vendredi, des nuages, quelques averses, maximum de 25. Mais entre-temps, on profitera d'une belle journée ensoleillée pour jeudi, maximum de 28. CFNJ. Avec podcast, en pleine cinquième édition du Radio Pirate Méloman au 99.1 CFNJ, groupe de Stéphane Lafleur, qu'on connaît aussi pour sa réalisation du film Continental, un film sans fusil. Donc, on a entendu la chanson « Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle », pièce-titre du mini-album du même nom sorti en 2013. On a aussi réentendu « Toon Yards », dont on avait déjà parlé avec « Gangsta » en 2011. Une de leurs premières chansons qui suivait les regrettés White Stripes, Jack et Meg White, eux aussi à leur début avec Hello Operator de 2000 pile. Un groupe, les White Stripes, qui, ma foi, a presque ramené le blues dans l'indie rock, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On a juste à penser à des groupes comme les Black Keys, entre autres, qui ont beaucoup ramené le son du blues à travers leur façon de faire l'indie rock. Et tout ça amorcé par deux excellents groupes en leur genre. Coldplay, bien sûr, que tout le monde connaît maintenant, qui sont presque devenus le U2 2, mais qu'on a entendu avec Don't Panic de leur excellent premier album Parachutes de 2000. Don't Panic, qui est aussi sorti plus tard en 2001 en single. Mais on a aussi entendu Wilco, qui roule leur boss depuis très longtemps et que je vous encourage à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Un répertoire très riche du compositeur Jeff Tweedy, qui était aussi auparavant dans le groupe Uncle Tupelo. On les a entendus, donc Wilco, avec How to Fight Loneliness de 1999. Et nous, ben, il faut qu'on retourne si on veut faire le tour. Donc, je vous propose de vous faire brasser la cabane un peu avec un membre fondateur des mythiques Misfits. On écoute Danzig au 99.1 CFNJ. Not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, and if you wanna find hell with right, you kids get to bed, I get the storybook. You all tucked in? Here we go. Once upon a time, not long ago, when people wore pajamas and lived life slow, where laws were stern and justice stood, and people were behaving like they ought to good, there lived a little boy who was misled by another little boy, and this is what he said. Me and you tonight, we're gonna make some cash, robbing old folks and making the dash. They did the job, money came with ease, but one couldn't stop, it's like he had a disease. He robbed another and another and a sister and a brother. Tried to rob a man who was a DT undercover. The cop grabbed his arm, he started acting erratic. He said, keep still, boy, no need for static. Punched him in his belly and he gave him a slap. But little did he know the little boy was strapped. The kid pulled out a gun, he said, why'd you hit me? The barrel was set straight for the cop's kidney. The cop got scared, the kiddie starts to figure, I'll do years if I pull this trigger. So he cold dashed and ran around a block. Cop radios into another lady cop. He ran by a tree, there he saw the sister. Shot for the head, he shot back but he missed her. Looked round good and from expectations, he decided he'd hit for the subway stations. But what? She was coming and he made a left. He was running top speed till he was out of breath. Knocked an old man down and swore he killed him. Then he made his move to an abandoned building. Ran up the stairs up to the top floor. Opened up a door there, guess who he saw? Who? Dave the dope fiend shooting dope. Who don't know the meaning of water nor soap, he said. I need bullets, hurry up, run. The dope fiend brought back a spanking shotgun. He went outside but there was cops all over. Then he dipped into a car, a stolen Nova. Raced up the block doing 83. Crashed into a tree near university. Escaped alive though the car was battered. Rat-a-tat-tatted and all the cops scattered. Ran out of bullets and he still had static. Grabbed the pregnant lady and pulled out the automatic. Pointed at her head, he said the gun was full of lead. He told the cops, back off, for honey here's dead. Deep in his heart, he knew he was wrong. So he let the lady go and he starts to run on. Siren sounded, he seemed astounded. And before long, the little boy got surrounded. He dropped his gun, so went the glory. And this is the way I have to end this story. He was only 17 in a madman's dream. The cop shot the kid, I still hear him scream. This ain't funny, so don't you dare laugh. Just another case about the wrong path. Straight and narrow are your soldiers. Cast. Good night. Knock 'em out the box, Rick. Knock 'em out, Rick. Oh, boy. That Uncle Rick is really weird. Knock 'em out, Rick. I know, right? What does he mean, straight and narrow? Knock 'em out the box. Knock 'em out, Rick. Oh, no. I think he'd be cracking up with you. The Ruler Presentation. Crumbs. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Devant chez toi. tu ne regardes pas l'objectif ou la caméra ou ce peintre qui voulait faire un vrai portrait de toi comme dans les films quand ils font de vrais portraits des acteurs qui jouent dans le film que l'on regarde mais que l'on n'aime pas vraiment mais c'est parce que le décor est mal retour encore une fois d'un voyage inattendu en cette cinquième édition du Radio Pirate Mélomane, et ce, toujours au 99.1 ou 88.9 CFNJ, ou encore sur CFNJ.net. Un voyage qui s'est terminé ici avec Flume de Bon Iver, en fait Bon Hiver, qu'il faut prononcer, en 2007, qui avait remporté un gros succès cette année-là avec son album For Emma Forever Ago, qui était précédé de Navet Confit, qu'on a entendu à quelques reprises à l'émission, toujours en 2007, avec Un taxi pour Jamie Gertz. Jamie Gertz, qui en passant est une actrice qui a joué dans plusieurs films et sitcoms. Vous connaissez sûrement son visage. On a aussi entendu l'excellent groupe de Comox en Colombie-Britannique, maintenant basé à Montréal, Half Moon Run, avec la première pièce de leur plus récent album de 2015, Warmest Regards, précédé par nul autre que les Ramones, le groupe qui a parti le bal de tout ce qui est punk un an avant tout le monde, et ça même si c'était des gars aux cheveux longs qui n'ont jamais rien voulu savoir de se faire appeler punk. Donc un extrait du premier album éponyme des Ramones, Havana Affair de 76. Et sinon, première partie du bloc, tout aussi éclectique avec Grizzly Bear, excellent groupe indie des dernières années avec Fine For Now de 2009, qui suivait le seul et unique raconteur Slick Rick, dont la chanson, en passant, Laddie Daddy, a directement inspiré Hypnotize de Biggie Smalls qu'on a entendu tantôt. Mais c'est avec Children's Story qu'on l'a entendu ici en 88. Et tout ça qui a commencé avec justement une chanson de 88, mais qui a été réenregistrée en 93 et qui a remporté un grand succès à ce moment-là, soit Mother de Danzig. Et sur ce, le temps file, donc on y va tout de suite avec des habitués du Radio Pirate, soit le groupe Of Montreal au 99.1 CFNJ. We'll be right back. majeur. La majeur. La majeur. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. Handsome drummed along, walked to a handsome man at guitar. My God, a fine clarinet. past aristocracy. Back through the opera glass, you see the pit and the pendulum drum. Brush the backdrop. Are you sleeping? Hung velvet overtaken me. Dim chandelier awaken me to a song dissolved in the dawn. The music hall, a costly bow. The music all is lost for now. To a muted trumpeter's swarm. Colonnaded ruins done. Canvas the town and brush the backdrop. Are you sleeping, Brother John? Silver moon, carriage across the fog, two step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. Bien, notre Radio Pirate volume 5 de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Une autre merveilleuse suite de Brian Wilson au sein des Beach Boys avec Surf's Up. Et oui, fini de surfer à travers les différents styles pour ce soir. Une composition de 1966-67 qui nous vient du fameux album jamais sorti, Smile, qui est en fait sorti plus tard depuis, mais a initialement jamais sorti. Un gars qui a inspiré Sgt. Peppers aux Beatles, c'est pas rien. Bref, on en avait déjà parlé à l'émission et on en reparlera sûrement, mais Smile, un album à avoir dans sa collection. Sinon, un autre qu'on a entendu quelquefois ce soir et à qui on rendait un petit hommage par la bande, Philip Glass, compositeur classique contemporain toujours vivant, de l'école minimaliste. On a entendu un extrait d'un album plus pop, un peu de 86, que M. Glass avait fait avec plusieurs invités connus, comme Paul Simon, entre autres. Mais ici, c'est avec David Byrne, des Talking Heads, et l'excellent groupe vocal féminin The Roaches, qu'on a entendu avec la pièce Liquid Days Part 1, qui suivait les bien-aimés Zombies en 68 avec Changes, du magistral album Odyssey and Oracle, que je vous conseille tout autant que Smile, d'ailleurs, vraiment très bon. Et sinon, Philippe Catherine, qui nous expliquait la musique avec une chanson de 2011 qui s'appelle justement La musique, tout simplement. Et tout ça amorcé par l'excellente Oslo in the Summertime, Dove Montreal en 2005, une chanson composée par Kevin Barnes, fondateur du groupe, après un séjour, vous l'aurez deviné, en Norvège, à Oslo. Et c'est ce qui termine cette 5e édition du Radio Pirate Mélomane. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses aussi. C'est le mandat de l'émission quand même. On se retrouve la semaine prochaine, écoutez, pour un spécial road trip en ce qui va être la première semaine des vacances de la construction. Et je vous laisse jamais les mains vides, vous le savez. On se quitte avec un air sublime qui nous vient d'un opéra de 1863 de Georges Bizet. Et non, c'est pas Carmen, mais bien Les Pêcheurs de Perles. Un air qui s'appelle Je crois entendre encore. Mais, surprise, le tout chanté par un membre de Pink Floyd. Donc, attendez une seconde, je vais vous placer ça ici. Donc, écoutez, en vous souhaitant une bonne nuit et une bonne semaine, on écoute David Gilmour. 99 ans, CFNG. Thank you. from these days, Opera the Pearl Fishes.